si si yè, a y si yè, a la soufri, gen pou soufri. E se tribilasyon gen pou nan tire, malgré tout sa mon frè, se nou yè rejete. Non fè la pli tombe, pou se zèm la joa pou yo. Fè sole neve nan ti kèra yo, men yo pa pi jèm komprè. C'est nous que tu merci. C'est un petit bachou, oui. C'est court, oui.